Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et on va rester enchaîné. On va parler du barrage des Trois Gorges avec Philippe Rioux. Bonjour Philippe. Bonjour. C'est ça, j'ai appris un peu l'existence. Pas que j'ai appris l'existence, mais j'ai appris des détails sur ce grand barrage-là. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai essayé de vous en parler. Entre autres parce que nous autres au Québec, on se targue d'être les spécialistes mondiaux, les leaders électriques. C'était peut-être vrai dans les années 70, début 80. On avait la Manic, etc., LG1, LG2. Ça, ce serait complètement être faux. On est encore des spécialistes dans ça. Disons que le reste de la planète a répondu à notre challenge. Aujourd'hui, les plus grandes puissantes, les plus grandes centrales puis les plus puissantes sont en Amérique du Sud et en Chine. Donc, on est un peu loin de la Beijing. C'est un fait. En Chine, je suis pas étonné. En Amérique du Sud, un peu plus. Là, ah, mais il y a des grosses... Dans quel pays, est-ce que tu le sais? Il y en a au Paraguay. Je pense que la deuxième plus grosse est au Paraguay, en fait. Là. Okay. Mais ils ont des grosses rivières en Amérique du Sud, pas juste l'Amazone. Là, il y en a d'autres énormes qui peuvent exploiter. Attendre la Chine. Et ces nouvelles installations-là sont tellement grosses puis ambitieuses que ça brouille un peu la ligne entre des installations hydroélectriques et, disons, de la géo-ingénierie à grande échelle. Le roi incontesté de ces projets-là, c'est vraiment le barrage des Trois Gorges en Chine dont je vais vous parler aujourd'hui. Mm-hmm. Mais pourquoi est-ce qu'on fait cette distinction entre un projet hydroélectrique et la géo-ingénierie? Ben, disons qu'il n'y a pas vraiment de catégorie fixe. Là. Tout projet hydroélectrique est en soi un projet de géo-ingénierie. Oui, c'est un fait. C'est un peu redondant, mais disons que le fait qu'on façonne le relief de la Terre pour satisfaire nos besoins, c'est de la géo-ingénierie en tant que telle. Mais ce qui rend le projet des Trois Gorges vraiment intéressant, c'est qu'il ne sert pas juste à produire de l'électricité. C'est qu'une de ses fonctions, c'est de contrôler le puissant fleuve du Yangtze. Uh-huh. Si je le prononce mal, je m'excuse. Le Yangtze, je pense. Yangtze. qui, au fil de ses crues et inondations, dévastait de grandes surfaces de terre importantes pour l'économie et la production chinoise. Donc, contrairement aux rivières du nord du Québec, qui s'y débordaient, il y avait peut-être qu'il y avait un ou deux Amérindiens qui allaient avoir des inconvénients, peut-être un orignal. En Chine, il y avait beaucoup de monde qui était affecté. Donc, c'était vraiment très important. Et en plus, c'est un fleuve qui est quand même assez utilisé au niveau du transport de marchandises. Une autre chose que, disons, la grande rivière ne fait pas vraiment. Donc, les Chinois ont été incités à également installer une série d'écluses pour escalader le nouveau barrage, en plus du barrage lui-même. Donc, c'est vraiment une installation assez complexe, tout ça, là. C'est donc une installation à trois fonctions. Contrairement à celle du Québec, où il y a une fonction seulement, celle de produire de l'hydroélectricité. Exact. C'est ça. Et le barrage en tant que tel, en fait, j'imagine qu'il est assez imposant pour contrôler un fleuve en entier. Ouais, mais c'est plus gros. C'est vraiment, quand on regarde les dimensions de l'ouvrage, quand on le voit sur les photos, on a de la misère un petit peu à se faire une idée. Là. C'est des dimensions presque absurdes. Là. Il fait 2,3 km de long. Oh là là! Il fait 200 mètres de haut. Donc, il a nécessité assez d'acier pour faire 63 tours Eiffel. Donc, il y a 63 tours Eiffel d'acier à l'intérieur du barrage. Ça, c'est juste l'acier. Le chiffre de béton était colossal, hallucinant, c'est ça. Aussi. Titanesque. On dit souvent que la muraille de Chine est visible de l'espace, mais c'est pas vrai, en fait. Il semblerait que c'est vraiment difficile de la voir parce que ce n'est qu'une fine ligne. Mais ce barrage-là, par contre, il est visible de l'espace. Okay. Et non seulement son barrage, mais évidemment le réservoir qu'il crée en arrière. Et avec une telle installation, le barrage est capable de produire 22,5 gigawatts d'électricité. Pour vous donner une petite idée de grandeur, LG2, qui est notre plus puissante au Québec, fait 5,6 gigawatts. Donc, à lui seul, le barrage pourrait fournir le 2/3 de l'électricité au Québec. Donc, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable, effectivement. Et quels sont les impacts environnementaux d'un tel barrage? C'est là que ça devient intéressant, parce que les impacts environnementaux du barrage sont importants. Mais ça dépend comment qu'on... Dans le sens que les impacts environnementaux, ils étaient, d'un certain côté, désirés. Okay. Parce que ce n'était pas juste un barrage pour faire de l'électricité, justement. OK, c'est ça, ça servait. Ça a une autre utilité. Donc, c'est... disons qu'ils ont voulu... Il y a eu des problèmes, disons. Il a fallu qu'ils déplacent 1,3 million de personnes. Encore là, c'est très différent de peut-être une ou deux tribus ou un village amérindien. 1,3 million de personnes, c'est pas rien. Uh-huh. Il y a une énorme surface qui a été inondée. Pas si énorme que ça, en fait, parce que la rivière est comme un petit peu dans un canyon. Fait que c'est surtout un gain de hauteur, en fait, qui s'est fait au niveau du niveau de l'eau. Ouais. Ça l'a inondé, en fait. Pas inondé, mais ça a augmenté le niveau d'eau dans les légendaires gorges, dont le nom du barrage tire son origine. L'eau a monté dans les gorges de 91 mètres. Donc, ça fait quand même une bonne différence de la scène. Si vous êtes allé dans les années 80, vous y allez aujourd'hui, ce que vous avez vu est complètement sous l'eau en ce moment-là. La surface d'eau est plus grande. Exactement. Là. Il y a un millier de sites archéologiques qui ont été détruits. Ouais. Mais au désavantage, il faut penser aux avantages indéniables de que le barrage amène, disons. C'est surtout la stabilisation du niveau du fleuve pendant la saison humide qui est vraiment important. Ça augmente la profondeur de la rivière, ce qui facilite le transport maritime, augmentation de la quantité d'eau douce amenée aux terres agricoles en aval durant la saison sèche. Donc, c'est comme pour diminuer la quantité d'eau qui se rend pendant les saisons humides et augmenter la quantité d'eau disponible pendant la saison sèche. Donc, c'est vraiment un travail d'équilibration, là. Et est-ce qu'on peut dire que les Chinois ont voulu transformer le fleuve Yangtze en meilleur fleuve? Oui, c'est un peu ce qu'ils se sont posés comme question. C'était vraiment l'objectif fondamental du projet. Donc, après plusieurs inondations importantes, les leaders chinois, avec l'aide technique de certains ingénieurs américains, puisqu'à l'origine, il y a des ingénieurs américains, justement, qui s'étaient rendus là, qui étaient comme... si on avait vraiment toutes les ressources du monde, on pourrait faire un barrage ici qui serait vraiment utile. Et c'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Mao Tse-tung y a pensé aussi dans un fameux poème qui s'appelait Je nage, Swimming, qui rêvait d'un mur immense dans le Yangtze qui pourrait contrôler le Dompté. Donc c'est un petit peu un rêve de longue haleine, là, tout ça. Ils ont voulu le rendre rendre tout le delta plus apte à supporter de l'agriculture, la production industrielle qui anime les villes en aval parce qu'il y a des millions de gens qui habitent là. Donc, il y a une grosse production de riz qui est dans le delta du Yangtze. En fait, je pense que c'est 70% ou 60% de la production de riz. Et quand on parle de la Chine, on parle d'une énorme part de la production mondiale, là, évidemment. Et jusqu'à tout récemment, en fait, là, en 2010, il y a eu des très fortes précipitations qui ont testé la capacité du barrage à réguler le débit de l'eau. Et il a vraiment très bien fonctionné, en fait, là, en retenant la crue pour laisser écouler juste un débit normal, en fait, vers les régions en aval. Donc, les gens en aval n'avaient pas vraiment... Crainte de se faire inonder encore une fois, parce que c'était assez récurrent. Disons qu'au 10 ans, il y avait une inondation majeure. Donc, durant cette seule période-là, le barrage a probablement évité des milliards de dommages en dégâts, là. Oui, c'est un fait. Et ce barrage est, en fait, vraiment plus qu'un simple moyen de produire de l'électricité. Oh, oui, c'est presque une idée. Le barrage a presque plus d'utilité par sa présence et disons que c'est plus une valve qu'on a décidé de faire l'électricité avec, évidemment. C'est une démonstration de force de la part du gouvernement chinois parce que c'est le plus gros projet d'ingénierie civile. On pourrait argumenter que c'est le plus gros projet d'ingénierie civile jamais tenté. C'est probablement le plus gros masse de béton coulé au monde. C'est un projet gigantesque que plusieurs personnes croyaient, disons, impossible. Et puis, les ingénieurs ont pris des grands risques pendant la construction parce qu'il a fallu dévier la rivière pour construire le barrage. Et il y avait comme des espèces, c'était fait avec des barrages, disons, approximatifs de juste de tas de terre. Et s'il y avait eu, disons, de pluie diluvienne pendant ce moment-là, il aurait pu avoir une catastrophe. Là. Uh-huh. Et ils ont pris les risques parce qu'ils se sont dit que ça valait la peine. C'est considéré comme la colonne vertébrale quand même de la production électrique renouvelable en Chine. Cependant, avec l'augmentation importante de la demande en électricité, disons que ça part du gâteau de la production électrique chinoise n'est pas si importante que ça. Parce que ça a tellement augmenté qu'ils ont surtout construit beaucoup de centrales au charbon. Ouais. Donc, malgré sa puissance impressionnante et inégalée dans le monde, la centrale ne fournit que 1,7% de l'électricité chinoise. Ça veut surtout dire, en fait, que les Chinois produisent beaucoup d'électricité, plus que de dire que le barrage est petit et inefficace, c'est quand même 14% de l'énergie produite au niveau des centrales hydroélectriques en Chine. Donc, évidemment, c'est un modèle de puissance et c'est le joueur à battre en ce moment dans le monde, là. Et c'est un dilemme auquel on fait face aussi. Est-ce que le charbon est une meilleure option comparée à changer dramatiquement le profil d'une région entière pour produire de l'électricité? Ben, c'est une question qu'on est amené à se poser quand on regarde ce qu'ils ont fait là. Au niveau de la production d'électricité, juste pour produire de l'électricité, ce serait peut-être un argument intéressant à avoir, mais tout ce qu'on fait a des impacts. En ce moment, les villes chinoises qui sont prises avec une pollution atmosphérique absurde, là. Ouais. Vous regarderez des images de Beijing, par exemple. Le charbon, malgré ses qualités-là, c'est pas vraiment le truc de l'avenir en Chine, et les gens vont probablement se révolter contre cette pollution-là. Mm-hmm. Surtout que le charbon, là-bas, est de très mauvaise qualité aussi, je crois. Oui, il est pas cher, là, malheureusement. ils en produisent énormément. Ils polluent énormément, ouais. Ce barrage-là nous force à nous poser la question, tu sais. Si tout n'est que changement, parce qu'ultimement, tout ce qu'on fait, ce n'est qu'un changement, ça serait quoi le meilleur changement? Mm-hmm. Comment rendre la Terre plus productive, plus prévisible? Si vous posez la question en Chine, si vous posiez la question en Chine il y a quelques années en vous disant, est-ce que si j'avais à construire un barrage géant pour améliorer la qualité de vie de millions de gens, où est-ce que je devrais le construire? Puis la réponse à votre question, ça serait sûrement de faire un grand barrage pour contrôler le violent fleuve du Yangtze, dans le sens que c'était ça fait du sens dans cette région-là. Et vous pourriez vous poser la question au niveau du fleuve Saint-Laurent, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le fleuve Saint-Laurent? On pourrait faire un barrage entre Lévis et Québec, qui pourrait servir de pont en même temps. Peut-être une idée intéressante pour l'avenir, qui sait? Mm-hmm. Ben, des réflexions intéressantes qui nous font réfléchir à notre soif d'énergie et également qui nous incitent à un peu plus de modestie sur nos réalisations, sur des barrages électriques ici. Exact. Là. Alors, merci beaucoup, Philippe. On passe en publicité, mais restez sur CKRL, car au retour, on va commencer les fêtes de Noël. On va vous parler de champagne avec Karine Gravel.